Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le milieu étudiant et le FLQ pendant la crise d'octobre. Nous affirmons notre appui total aux actions du FLQ et à toute action de masse entreprise par les travailleurs et étudiants du Québec dans ce but. Libérez les prisonniers politiques. Vive le FLQ, vive la révolution québécoise, nous vaincrons. Vive le FLQ, vive la révolution québécoise, nous vaincrons. Ces paroles sont prononcées par un représentant du mouvement McGill français lors d'une assemblée du Front d'action politique au Centre Paul Sauvé le 15 octobre 1970. Le mouvement étudiant soutient donc, en partie en tout cas, les revendications du Front de libération du Québec lors de la crise d'octobre en 1970. Le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau va d'ailleurs interpréter ce soutien comme une menace participant à la justification de sa loi sur les mesures de guerre. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce soir, la situation au Québec évolue rapidement à la suite de la décision du premier ministre M. Bourassa de demander l'aide de l'armée canadienne. Dans la métropole, des centaines de soldats se déploient devant les édifices publics. Chez les étudiants, un mouvement de débrayage se dessine à l'Université du Québec et de Montréal. Camille Schwiner fait le point de la situation telle qu'elle se présente. Une bonne proportion des étudiants de Montréal ont décidé d'accorder leur appui aux revendications du FLQ. Pour ce faire, 8500 d'entre eux ont débrayé en annonçant qu'ils ne retourneront en classe qu'après la libération des prisonniers dits politiques. Bien plus, les 6000 étudiants de la constituante de l'Université du Québec à Montréal exigent pour reprendre les cours que les 6 conditions posées par le FLQ pour la libération de Messieurs Crosse et Laporte aient été remplies. À l'Université de Montréal, seules 2 facultés, celle des sciences sociales et celle des lettres, englobant au total 2500 étudiants, ont décidé de débrayer par solidarité avec le FLQ. Dans une assemblée, ces étudiants ont adopté presque à l'unanimité des résolutions par lesquelles ils appuient le manifeste du FLQ, réclament la libération des prisonniers dits politiques et la fin de l'action policière. De plus, les étudiants d'au moins un cégep, celui du Vieux-Montréal, ont décidé d'appuyer le FLQ. Toutefois, ils n'ont pas encore décidé de l'opportunité de débrayer. Ils le feront dans une assemblée demain midi. Ici Camille Chouinard à Montréal. Le 15 octobre 1970, des milliers d'étudiants décident donc de déclencher une grève en appui aux revendications du FLQ. Quel rôle jouera le milieu étudiant durant la crise d'octobre? Comment la jeunesse étudiante de l'époque vivra les événements du mois d'octobre 1970? On en parle avec l'historien et professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric, bonjour. Bonjour. C'est un sujet que vous connaissez bien, Éric Bédard. C'était ce sujet-là, le sujet de votre mémoire de maîtrise. C'est devenu un livre publié en 98 aux éditions Septentrion, Chronique d'une insurrection appréhendée. Au départ, Éric, pourquoi avoir décidé de fouiller ce sujet-là? Ben, par intérêt pour la jeunesse étudiante des années 60, on sait le rôle qu'elle a joué en Europe, en France notamment, et parce que ça m'avait beaucoup frappé, Gérard Pelletier, secrétaire d'État du gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau, publie un petit ouvrage un an après les événements d'octobre 70, et dans cet ouvrage, Gérard Pelletier insiste beaucoup sur sa crainte des étudiants extrémistes, écrit-il, qui, croyant le grand soir venu, descendent dans la rue, provoquent du désordre et, avec la police et l'armée sur les dents, auraient pu terminer ça en fusillade. Oui. Il écrit ça dans son livre. Et donc, autrement dit, un des arguments avancés par Gérard Pelletier un an après les événements pour adopter dans la nuit du 15 au 16 octobre la loi des mesures de guerre, c'était la frayeur qu'inspirait le mouvement étudiant. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller voir sur le terrain, oui, d'aller voir concrètement ce qu'il en était, puisque remarquez que durant la fameuse conférence de presse du 14 octobre, à laquelle prennent part René Lévesque, Marcel Pepin, même Claude Ryan du Devoir, où on lance un appel au calme, on, oui, dit au gouvernement, écoutez, il faut quand même garder son sang-froid, il y a des vies en jeu. Autour de la table, il n'y a pas de représentant du mouvement étudiant. Ça m'avait beaucoup frappé, ça. Pourtant, la jeunesse, c'était extrêmement important. Donc, je voulais aller vérifier sur le terrain ce qu'il en était. Un mai 68 aussi, qui n'avait pas eu, puis on y reviendra, mais qui n'avait pas eu lieu vraiment au Québec, que craignait peut-être également le pouvoir politique avec, oui, ce petit délai. Oui, c'est sûr que là, on avait ça en tête. N'oubliez pas aussi que les mouvements étudiants étaient extrêmement puissants aussi aux États-Unis à la même époque. Oui. Il y avait tous ces mouvements de contestation de la guerre du Vietnam, Nixon qui était au pouvoir. Alors oui, le mouvement étudiant était une force sociale, un mouvement social extrêmement fort, extrêmement puissant, marquant, et on pouvait comprendre que la classe politique, surtout, mm-hmm, au fédéral, avait peur. cœur de ce mouvement. Alors revenons à ce qu'on vient d'entendre il y a un instant, oui. Cet appui, ce mouvement de grève des milliers d'étudiants qui sont derrière les idées du FLQ, au début de la crise en tout cas. Qu'est-ce qui explique cet appui, Éric Bédard, cette sympathie du mouvement étudiant pour les idées du FLQ? Ben, écoutez, c'est qu'à la fin des années, dans les années 60, il y a deux grands courants qui existent au sein du mouvement étudiant. Il y a un courant un peu plus, disons, réformiste, qui souhaite la participation aux instances, qui souhaite être consulté par le gouvernement par rapport aux nouvelles réformes. Donc, une attitude un peu plus, je le mets entre guillemets, corporatiste, ouais, syndicale, traditionnelle. Et vous avez une autre entité, un autre courant au sein du mouvement étudiant, très fort dans les sciences sociales, qui prône une plus grande opposition, qui est en conflit avec l'ordre établi, c'est le discours, et qui est d'ailleurs mal à l'aise avec les grandes structures étudiantes traditionnelles, avec un président, un exécutif, mm-hmm, des représentants, qui dit qu'on doit aller sur le terrain. Et une des factions de ce courant va créer d'ailleurs le mouvement syndical politique, qui était à l'UQAM, parce qu'on disait qu'il fallait retourner à la base, hein, il fallait être en contact direct avec les masses, avec les populations ouvrières, avec les déshérités. Et par exemple, je vous cite le manifeste du MSP, Mouvement syndical politique, qui circulait à l'UQAM à la fin des années 60, qui s'intitulait « On veut votre peau ». Mm-hmm. Et c'est écrit un peu en joual, hein. « Contester, c'est pas critiquer, c'est démolir. Contester, c'est pas réformer, c'est abattre, révolutionner. Contester, c'est pas bâtir ensemble pour faire mieux, c'est éliminer ce qu'il y a de pire ». Donc, il y avait dans le mouvement étudiant un courant très radical qui prônait la destruction du système établi, de l'ordre établi, par tous les moyens, y compris la violence. Et ça fait partie, bien sûr, tout ça de l'esprit du FLQ. On a tous en tête le fameux manifeste. On reconnaît un petit peu là cet état, oui, d'esprit que vous décrivez. Oui. La jeunesse aussi, elle est importante pour le FLQ, cette jeunesse que vous venez de décrire. Dans quelle mesure elle sera directement liée, elle participera à cette marche du FLQ? Je propose un extrait du film Corbeau de Mathieu Denis, qui a été réalisé en 2015 et qui décrit bien cette espèce d'idéalisme dans l'engagement d'une certaine jeunesse de l'époque. On y raconte bien sûr l'histoire de Jean Corbeau, un jeune militant felkiste justement, qui va mourir en installant une bombe à la Dominion Textile. On écoute donc cet extrait du film Corbeau. J'ai lu ton journal, La Cognée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis un peu occupée pour jaser. Il y a un atelier du MLP demain soir. C'est pas loin d'ici. Tu viendras? OK. Bye. En passant, je m'appelle Jean. Connais-tu ça, le MLP? Mouvement de libération populaire? Je pense, ouais. Ouais? C'est un groupe de ML. De ML? Des marxistes-léninistes. C'est la gang de la revue Parti Pris qui est derrière ça. Ils font des actions contre les SCAB. Tâches de solidarité, ce genre-là. Pourquoi? Oh, c'est un gars du collège qui me parlait de ça l'autre jour. Alain, c'est Danick. Il va distribuer des copies de la conique, nous autres, maintenant. Salut, Danick. Salut. J'ai presque fini d'imprimer. Soyez-vous, ce sera pas bien long. On va passer avec les autres. Quelle importance aura donc la jeunesse pour les mouvements comme le MLP, comme le FLQ, Éric Bédard? Quel rôle vont jouer ces jeunes idéalistes au sein de ces organisations? On pourrait dire, si on parle le langage du marketing, que c'était une clientèle cible, ouais, pour les animateurs du FLQ dès les débuts, dès 1963. Et on a parlé dans l'extrait, on a entendu parler de la Cognée. La Cognée, c'était le bulletin d'information clandestin du Front de libération du Québec, qui était donc édité de façon clandestine. Tous les noms étaient des pseudonymes dans ce journal, dans ce bulletin. Dans ce bulletin, on expliquait comment faire une bombe, comment infiltrer une association étudiante, comment prendre le contrôle de petits mouvements locaux. Et il y avait aussi des éditions étudiantes de la Cognée qui s'adressaient spécifiquement, par exemple, aux étudiants de l'Université de Montréal, qui circulaient sous le manteau. Alors, oui, c'est une clientèle cible. Ce sont ceux qu'on vise parce que que justement, on pense que, et ça, c'est le fait de tous les mouvements, disons, radicaux, sinon révolutionnaires, c'est qu'on pense que la jeunesse est porteuse d'une forme de régénération de la société. Oui. Hein? Les vieux sont complètement corrompus par le vieux monde, les vieilles idées. Donc, on mise sur la jeunesse pour régénérer la société, à la fois idéologiquement et moralement. Donc, le mouvement étudiant est un terreau fertile pour les idéologies de changement. Ceux qui ont étudié le mouvement étudiant, en général, bien sûr, le mouvement étudiant a toujours été sensible à ce qui se passait dans la société, mais disons que c'est avec les années 60 que le mouvement étudiant se pense comme un mouvement de changement social un peu plus global et non pas simplement un club social entre futurs membres d'une élite. Mm-hmm. En 1964, les étudiants vont fonder l'UGEC, l'Union générale des étudiants du Québec, et l'UGEC va se comporter comme un véritable syndicat étudiant qui exige de l'étudiant une prise de conscience de ses responsabilités sociales et politiques. Par contre, plus on avance dans le temps, dans les années 60, au départ, l'UGEC est un partenaire de la Révolution tranquille, du régime libéral, mais plus on avance dans le temps, plus l'UGEC va commencer à, disons, développer une rhétorique un petit peu plus de contestation du régime. Et en vient à dominer, par exemple, chez beaucoup de militants de l'UGEC, ce fameux slogan très fort durant les années 60, « Dialoguer, c'est se faire fourrer ». Ouais. C'est-à-dire que participer à des tables de concertation, tenter de réfléchir à des réformes avec les pouvoirs établis, c'était la chose à ne pas faire. Il fallait au contraire résister, former un bloc d'opposition radicale. Et tout ça va amener, et là, évidemment, il y a toute cette frénésie à l'échelle occidentale des mouvements étudiants, mai 60. Les étudiants américains qui contestent la guerre du Vietnam. Et on aura au Québec notre petit mai 68, mais ça va se passer en octobre. Mm-hmm. Et ce sera essentiellement une grève concentrée dans les cégeps, plus que dans les universités. Pourquoi, Éric? Le mouvement étudiant est plutôt divisé durant les années 60. Certains veulent peser sur l'accélérateur, d'autres sont plus modérés. Il y a des chicanes internes dans l'AGEUM, l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal, sur la suite à donner. Et donc, ça va surtout se produire dans les cégeps et donc dans le mouvement étudiant. Et contrairement à mai 68, le mouvement ouvrier ou le mouvement syndical plus traditionnel ne va pas suivre ce mouvement. Au plus fort de la grève, là, il y a une dizaine, une vingtaine de milliers de grévistes. C'est pas, ça n'a rien à voir avec mai 68. Et fait est très intéressant, c'est qu'en 68 et en 69, les grandes structures étudiantes vont se saborder pour des raisons essentiellement idéologiques, au nom d'une forme de spontanéisme. Hein, on veut être à la base avec les masses et donc on ne veut plus reproduire les hiérarchies traditionnelles. Donc l'UGEC va se saborder. Il y aura une discussion très âpre entre différents courants. L'AGEUM aura fait de même aussi. L'AGEUM, donc l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal, vont se saborder. Et donc le discours, c'est « retournons à la base ». Mais là, vous me voyez venir, c'est-à-dire qu'on va arriver à la crise d'octobre, il n'y aura plus de grands porte-parole, plus de grandes structures nationales pour représenter les étudiants. Ouais. Qu'il y avait pourtant, pas si loin, juste avant, en fait, autour de cette grève de 68, vous le disiez, ça n'aura pas la même ampleur que mai 68 en France. Le mouvement ouvrier ne suivra pas le mouvement étudiant dans sa grève. Mais il y a quand même, à ce moment-là, des voix qui se font entendre, de nouvelles voix. Il y a ce même désir qu'en France, en mai 68, il y a cette espèce de choc important de génération. L'une de ces voix, c'est celle de Claude Charron, qui deviendra ministre plus tard, qu'on entend dans une assemblée, justement, de l'UGEC en octobre 68. Que ceux qui écrivent l'histoire du Québec avec les bigarrures puis les incongruités qui sont les leurs, qu'ils devront maintenant compter avec nous! Devant leur échec, devant leur peur, devant leur solitude, nous pouvons dire cet après-midi que nous sommes prêts à prendre la relève. S'il y a un thème qui a marqué la démarche des étudiants depuis quelque temps, c'est l'idée que cette relève-là, à ceux-là là, qui ont irrémédiablement échoué, qui, jusqu'au plus profond de leurs valeurs, ont dirigé une société carrément répressive et dont les allures progressistes ne suffisent pas à maquiller la stérilité qui est la sienne, quand Il faut qu'on prenne la relève. Ça va tout bien venir plus vite, puis dans un tout autre esprit que nous fixe la loi normale des générations. Ah, c'est intéressant. Quel orateur, n'est-ce pas? Quel orateur. Cette urgence, hein, ce goût de changement, de balayer l'ordre établi, puis c'est presque prémonitoire. Il annonce cette nouvelle génération de leaders. Oui. Il en sera, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il était très proche de Louis Arel, de Gilles Duceppe. Mais vous voyez, Claude Charron, malgré son discours extrêmement vif et, qui souhaite des changements très profonds, Claude Charron faisait partie de la faction qui souhaitait le maintien de l'UGEC, qui souhaitait le maintien des grandes institutions nationales étudiantes. Et donc, il a choisi, lui, d'adhérer au Parti québécois, alors que tout un autre pan de cette même jeunesse de l'époque est allé vers les mouvements syndicaux, sociaux ou carrément les mouvements marxistes-léninistes. Hein, cette jeunesse de 68 s'est scindée en deux, le courant vers le Parti québécois et un autre courant vers le syndicalisme ou vers le marxiste-léninisme. Alors, revenons à cette crise d'octobre 70, aux événements d'octobre comme tels et la façon dont ce sera reçu, perçu, vécu dans les campus montréalais, Éric Bédard. Oui, d'abord, ce qui frappe, c'est que moi, j'ai étudié les quatre campus universitaires montréalais. Il est clair que du côté, moi, si ça a été une grande surprise, c'est que du côté des deux campus anglophones, il y avait une sympathie chez plusieurs courants, une sympathie pour le mouvement, disons, de décolonisation qui avait cours au Québec. Ça a été étudié par un historien qui s'appelle Sean Mills. En 1969, par exemple, à l'université de Sir George William, de Concordia, on va carrément incendier un centre de calcul. Ce sont des étudiants noirs qui contestent le travail d'un professeur, qui disent qu'il est raciste. Bon, ils vont saccager un centre de calcul avec beaucoup de dommages. Le leader va être arrêté. Bon, donc il y a une sympathie, en gros, pour ce mouvement. On est d'accord avec l'idée que les Canadiens français sont un peuple placé dans une situation d'infériorité sociale, économique et politique, et donc il faut les libérer. Donc c'est McGill français. Et à McGill français, vous avez donc des professeurs, notamment Stan Gray, professeur de sciences politiques, qui appuie le mouvement McGill français, qui dit que c'est tout à fait normal et légitime pour les Canadiens français de réclamer cette francisation d'Université McGill, une université qui incarne les intérêts de la classe des possédants. Et donc, il y aura une sympathie pour ce mouvement de décolonisation générale. Pour ce qui est de l'Université de Montréal, on l'a dit, il y aura des journées de grève pour soutenir les revendications du FLQ. Par contre, ça se cantonne aux sciences sociales, puisque j'ai lu les journaux de Polytechnique et des HEC, on était très froid à débrayer pour ces revendications-là. Mais quand même, il y aura de grandes assemblées qui auront lieu, notamment une avec Pierre Vallière, et c'est très impressionnant. Et à l'UQAM, là aussi, ça chauffe, il y aura un débrayage, et à l'UQAM, ce qui sera encore plus spectaculaire, c'est qu'on va carrément fermer l'université parce que le recteur de l'époque, Léo Doré, qui vient tout juste de nous quitter, le 16 octobre, donc, il décide de fermer cette institution parce qu'il craignait qu'il y ait des débordements, qu'il y ait du saccage. Et donc, on va ouvrir le matin du 21 octobre quand ça sera un petit peu plus calmé. Puis il y a une chose qui est assez intéressante. Quand vous avez publié votre livre en 98, vous disiez en entrevue qu'une des choses qui vous a le plus étonné, puis on va arriver au fond à l'instrumentalisation politique de cette menace, cette soi-disant menace étudiante qui sera utilisée par le gouvernement Trudeau pour justifier, entre autres, sa loi sur les mesures de guerre. Vous dites, en 98, à la publication de votre livre, moi j'ai été étonné de l'infiltration, du degré d'infiltration qu'il y aura dans les universités québécoises à ce moment-là. Oui, alors à la fin des années 60, on crée une cellule à la GRC d'information, de renseignement, et on cible les campus universitaires comme un lieu de débordement possible, de sympathie pour les groupes extrémistes, notamment indépendantistes, mais d'extrême-gauche aussi. Et donc, on va tranquillement trouver des informateurs, et ce que révèlent les documents de la commission McDonald ou autre, c'est qu'il y avait des gens qui se sont rapidement portés volontaires pour peut-être dénoncer un collègue, ou etc. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et ça a été assez fort. Ce qu'on sait aussi, c'est que il y a un personnage assez mystérieux qui s'appelle Carole Deveau, de nom de code de Poupette, qui était une informatrice, qui était très proche d'une cellule d'information, qui était une étudiante en histoire à l'UQAM, et qui a été très proche d'une cellule d'information qu'on appelait la cellule d'information Vigée, qui dans le fond était un transit, hein, qui servait de transit entre la cellule Libération et le grand public qui authentifiait des communiqués. Et donc, elle a eu une aventure aussi avec Jacques Parizeau. C'est une Matahari. Et elle se rapportait à la police de Montréal. Donc, oui, il y a eu une infiltration, il y a eu une surveillance très étroite. Et il y a eu certains professeurs, certains étudiants qui ont agi à titre d'informateurs pour les autorités. Parce que, encore une fois, les milieux politiques s'inquiètent. C'est toute la culture, la liberté académique, au fond, qui les inquiète. Et puis, ils ont peur, peut-être, de ce mai 68 qui serait déclenché dans la foulée de cette crise d'octobre en 70. Parlons-en de la façon dont, revenons à Gérard Pelletier, au gouvernement Trudeau, de la façon dont ce sera récupéré politiquement, cette affaire-là. Oui, alors, il y aura un chargé de cours qui va être arrêté en pleine classe à l'UQAM parce qu'il y avait une séance d'information sur les idées du FLQ. Ça se fera à l'UQAM. Et donc, ça va alerter les recteurs. Le recteur de l'UQAM, bien sûr, Léo Doré. Mais tous les recteurs vont envoyer une lettre au premier ministre du Canada pour se plaindre de ce non-respect de la liberté académique. Et bon, le premier ministre va répondre qu'une nouvelle loi est à l'étude pour justement éviter ces débordements. Mais il y aura en effet une inquiétude. Mais une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est qu'une fois la crise un peu terminée, une fois que ça se calme, la cible numéro un, disons, d'un Réal Caouette ou de certains leaders d'opinion, de Jean Pellerin à la presse, même du frère Untel, Jean-Paul Desbiens, ce sont les professeurs. Les professeurs, même peut-être du collégial ou du secondaire. On dira, impossible que des jeunes aient pu adhérer à de telles idées, des idées aussi folles, aussi extrémistes. C'est certainement qu'il y a eu de la propagande, du lavage de cerveau. Et donc, on va nommer un certain Gérard Dion, l'ancien, un monsieur qui avait été très actif dans la contestation contre le duplessisme dans les années 50, l'abbé Gérard Dion. On va lui demander de faire une enquête. L'abbé Dion va demander aux parents de décrire s'il y a en effet des problèmes. Il recevra 200 lettres. Et sur ces 200 lettres, il fera 15 enquêtes et ça va se terminer en queue de poisson. Il n'y aura aucune plainte officielle qui sera portée contre aucun professeur. Alors, c'était un peu facile là, de pointer du doigt les enseignants ou les professeurs. C'était dans l'air du temps. Ouais. Et visiblement, il y avait une attirance d'un certain courant de la jeunesse pour ces idées. Au final, Éric Bédard, cette jeunesse, dans quel état d'esprit elle ressort, cette jeunesse québécoise, de cette crise d'octobre? Ben, il est clair que l'assassinat de Pierre Laporte par la cellule Chénier sera une douche d'eau froide, et le mouvement va vraiment s'essouffler après cet assassinat, même si la contestation de la loi des mesures de guerre va se poursuivre avec tout son côté très arbitraire. Mais ce sera une douche d'eau froide pour beaucoup de jeunes et le fait que le mouvement étudiant n'avait pas de structure nationale, n'avait pas de porte-parole, disons un ou deux ou trois porte-paroles clairement identifiés, ça a certainement nuit aussi à la présence du mouvement étudiant durant ce printemps chaud. Éric Bédard, historien à la TELUC, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.